buzz. Toutes ces stars vêtues Armani, monde quartier, le 1-6 c'est leur quartier. Qui a le buzz? Toutes ces stars qui ont les billets couverts d'un 8 carats dans le box la Jaguarienne. Qui a le buzz? Toutes ces stars vêtues Armani, monde quartier, le 1-6 c'est leur quartier. Qui a le buzz? Toutes ces stars qui ont les billets couverts d'un 8 carats dans le box la Jaguarienne. J'ai une Porsche type 911 essence et en plus j'suis pro, les moches type sans gonzesse ni bon sens veulent ma peau, c'est jaloux ronge Paris. Ça fait partie du show biseux que les gens disent, j'm'en manque comme ces deps qui se font la pisse. En vrai je n'ai pas un sou, sous je piquerai des sous, sous mes dessous de couverture, je rêve donc le pixou, mince comme un clou, sans thune et paradis. Je rêve de vivre comme Samson, style de vie paradis, on attire les nanas, genre pantalon en croco, ni parents silico, toi de foutre la triquilico. Je rêve souvent d'un hélico, d'être le sexe symbole des miss, développer leur libido par ma villa de Nice et toutes mes croisières en yacht perse au bord du Nil. Et si t'adores les pyramides, je t'emmènerai au bord du Nil. Tu vois ça sort en écho et chaque nuit quand je rêve tout ça fait partie de la déco. Qui a le buzz? Toutes ces stars vêtues Armani, monde quartier, le 1-6 c'est leur quartier. Qui a le buzz? Toutes ces stars qui ont les billets couverts d'un 8 carats dans le box la Jaguarienne. Qui a le buzz? Toutes ces stars vêtues Armani, monde quartier, le 1-6 c'est leur quartier. Qui a le buzz? Toutes ces stars qui ont les billets couverts d'un 8 carats dans le box la Jaguarienne. Je vais dire en deux mots qu'est-ce dont le buzz gamin. C'est quand t'arrives au bain que tout le monde se bat pour toucher ta main, v'là que tu grimpes les marches et tu les vois qu'ils s'écartent tous. Et quand tu regardes à gauche, les gens de droite te matent tous. T'arrives seul, tu repars à deux, mignon comme pas deux. Quand le DJ te reconnaît, il s'applique sur les MK2. C'est toi le boss qui a le buzz qui enfile les nanas par douce. Tu fais ventouse, les autres pleurent parce qu'ils te jalousent. Ton portable brique, mais à chaque fois t'es trop buzzy. Enlever des strings car t'as la cote comme Mr. Bugsy. Fini toutes ces filles qui ont les dents touche piano. T'auras toutes les mannequins, même si t'es un pif genre Cyrano. Si ça la cote reste au chaque jour, t'oublies les entrecôtes et toutes les soirées ringardes du style on reste entre potes. T'as une vie de succès, Rolls et casino, et t'as enfin accès à celle qui te disait casino. Qui a le buzz? Toutes ces stars vêtues Armani, monde quartier, le 1-6 c'est leur quartier. Qui a le buzz? Toutes ces stars qui ont les billets couverts d'un 8 carats dans le box la Jaguarienne. Qui a le buzz? Toutes ces stars vêtues Armani, monde quartier, le 1-6 c'est leur quartier. Qui a le buzz? Toutes ces stars qui ont les billets couverts d'un 8 carats dans le box la Jaguarienne. Je veux visa, gold, platine et bien sûr chez qui avoir trop de buzz, être le roi sur l'échiquier. Je veux rentrer avenue Foch ou à 7h pile on dit, où le mot smic fait hurler de rire toutes les gamines. Je rêve de ce buzz, mais hélas tu sais, je n'ai que dalle. Sache bien que dans ma classe il n'y a que des vandales qui portent des dents en or, qui se la jouent et disent qu'ils gazent pas. Ils sont à fond dedans or, son as mais ne le savent pas. Ces specimens, quoi que pour être dans le coup faut dire yo man, avoir un Siemens et tatouer son abdomen. Va les voir Wall, tu verras que chaque laisse leur domaine. Quand le Celsius grimpe on flambe, on sort les abdomens. Sache que tous les gars d'en bas veulent du buzz, dont Chase et gars d'en bas aussi veulent du buzz. Sache que tous les gars d'en bas veulent du buzz, dont Chase et gars d'en bas aussi veulent du buzz. Qui a le buzz? Toutes ces stars vêtues Armani, monde quartier, le 1-6 c'est leur quartier. Qui a le buzz? Toutes ces stars qui ont les billets couverts d'un 8 carats dans le box la Jaguarienne. Qui a le buzz? Toutes ces stars vêtues Armani, monde quartier, le 1-6 c'est leur quartier. Qui a le buzz? Toutes ces stars qui ont les billets couverts d'un 8 carats dans le box la Jaguarienne. Qui a le buzz? Toutes ces stars vêtues Armani, monde quartier, le 1-6 c'est leur quartier. Qui a le buzz? Toutes ces stars qui ont les billets couverts d'un 8 carats dans le box la Jaguarienne. Qui a le buzz? Toutes ces stars vêtues Armani, monde quartier, le 1-6 c'est leur quartier. Qui a le buzz? Toutes ces stars qui ont les billets couverts d'un 8 carats dans le box la Jaguarienne.